Les trois personnages concernent le Fatima. C'est Jacinthe Marteau, Francisco Marteau, son frère, Lucia Dos Santos, la cousine, qui dirige le petit groupe. Le 13 mai 1917, l'apparition. La première apparition coïncide, d'après les relevés internationaux, avec le pillage des bolcheviks d'une église en Russie. Ça veut dire le début des révolutions. La deuxième apparition, c'est l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale. La troisième, si la Russie se convertit, il y aura la paix. C'est ce que Marie dit dans ses apparitions. On va sauter la sixième. Annonce de la fin de la Première Guerre, étant donné que ça s'est passé dans l'année de 1917. Le tout des apparitions, bien sûr, est accompagné de toutes sortes d'autres éléments, dont celui le plus important sur lequel la Vierge insiste, c'est de réciter le chapelet tous les jours. Vous avez connu le rosaire? Ça a débuté là. En 23 ans après, en 1940, le pape Jean XXIII ouvre, à la date prescrite, le pli scellé de Lucia, qui est devenue carmélite, et le pape refuse de divulguer le contenu du fameux secret. Il dira, par contre, dans ses commentaires, « Le retour du Christ est proche. » Puis aussi, entre autres commentaires, il avance que vers les 2023, il y aura la fin du monde. Le pape Paul VI dira à Fatima, « Le monde est en danger. Hommes, ne pensez pas à des objets de destruction et de mort. Recommencez à vous approcher les uns des autres, avec la volonté de construire un nouveau monde. » Les termes sont assez précis et assez importants à retenir. En 76, ce même pape dit aussi, le retour du Christ est presque imminent. Ce qui est intéressant dans les anecdotes des personnages qui sont très près des papes, entre autres le cardinal Ottavioni, qui connaît le secret parce qu'il était présent lorsque Jean XXIII a ouvert la lettre, et on nous a rapporté dans les écrits du Vatican que ce cardinal a lu le contenu. Il ne veut pas le divulguer parce que c'est le secret du Vatican. Par contre, il exprime le message d'une façon assez simple. Il dit « mort des petits marteaux, puis guerre mondiale pour le pape ». C'est tout ce qu'il dit. Par contre, il y a des gens qui, un peu plus futés, ont essayé d'aller à la source même, puis s'adresser directement à Lucia, qui est carmélite. Et elle accorde quand même des entrevues, mais très limitées, bien entendu. Et la seule réponse qu'elle dit à toutes les questions qu'on lui pose de tous côtés pour essayer de lui extirper le contenu, c'est-à-dire un grand renouvellement est nécessaire. S'il ne s'accomplit pas, seule une portion limitée du genre humain sera sauvée. Faites-vous en pas, ça ne sera pas trop long. La Chine et le Japon, le 23 octobre 1978, signent un traité de paix et d'amitié. Aussitôt, l'URSS se sent vigoureusement menacée et accuse la Chine de vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale. Il est démontré que la Russie complote contre le Saint-Père. Il y a eu les tentatives d'assassinat. Il y a eu des vols qui ont été faits à nombreuses reprises au Vatican. On sait que l'URSS manipule de nombreux pays pour activer le terrorisme. On sait aussi que ce même pays consacre 35 % de son produit national brut à sa défense, entre guillemets, et que le KGB dispose de 450 000 agents pour sa surveillance interne et externe. En plus, un bonhomme que vous connaissez peut-être, Yuri Andropov, détient le pouvoir illimité en Russie. Quels que soient les hommes au pouvoir, au-dessus de tout ce qui est au pouvoir et détient le pouvoir, dis-je, avec 100 000 agents qui, bien sûr, opèrent dans le monde. Donc, c'est un État dans un État. C'est un personnage assez important à tenir compte. Entre-temps, on voit aussi différentes opérations, soit dans le domaine politique ou encore domaine des religions. Ayatollah Khomeini, qui fait des siennes, qui est le successeur du prophète Mahomet et qui incarne Dieu dans son infaillibilité. C'est ce que l'on dit. Il a 100 000 Ayatollah Khomeini, il y a 30 000 religieux, puis sa logique se résume à ceci. Celui qui est dans l'erreur doit mourir. Le saint également doit pouvoir ressusciter. C'est la version orientale du fameux « Dieu reconnaîtra les siens ». Alors, ça amène des divergences assez spéciales au niveau des religions dans le monde. Il ne faut pas oublier que les fédéines, il y en a 100 000 de ce pays, d'Ayatollah, qui sont les gardiens de la révolution, de l'armée, de l'administration, du clergé, et qui sont aussi experts dans la guérilla urbaine. Actuellement, la peur s'empare petit à petit, ce qu'on pourrait appeler l'Europe occidentale et d'autres pays mondiaux dans le monde. Et surtout chez les jeunes, on se demande de quoi qu'on va hériter. En 1979, la seule statistique qui m'est parvenue, 22 % des Français en 1979 parlaient de Troisième Guerre mondiale et de guerre nucléaire. Alors, à ce moment-ci, le christianisme est en perte importante de fidèles, alors que la religion de Mahomet a une hausse effarante de nouveaux fidèles. Donc, on revient à la question, le secret de Fatima. Ce fameux secret, concerne-t-il l'Église? Est-ce que c'est l'annonce d'un cataclysme? Est-ce que c'est l'annonce tout simplement de presque rien? Je crois qu'on a des éléments ici pour commencer une conférence qui peut s'avérer fort, fort intéressante et peut-être même que Daniel va nous annoncer tout simplement un démenti ou tout simplement une perception complètement, complètement nouvelle. Alors, Daniel, si on allait au sujet, le secret de Fatima. Lequel des trois? Le troisième, celui dont on parle le plus. Bon, avant de parler du troisième secret de Fatima, on va parler un peu de ce que c'est que Fatima. La mécanisme. Oui, pourquoi il y a des apparitions? Pourquoi de temps en temps le bon Dieu envoie des émissaires apparaître, comme dans le cas de Fatima, par exemple, avec le cœur sorti à l'extérieur de la poitrine et ce genre de choses? Pourquoi est-ce toujours devant des individus qui ne sont pas reconnus comme autorité au niveau des religions qui vont normalement rencontrer ces apparitions? C'est un peu comme le phénomène OVNI. Pourquoi les OVNI rencontrent-ils toujours des journalistes ou des personnes qui n'ont pas d'autorité scientifique ou gouvernementale ou politique? Pourquoi ne rencontrent-ils pas des gens qui ont un certain pouvoir ou une certaine puissance à l'échelle de la planète? Dans le cas des apparitions, c'est un peu le même cas. Les apparitions vont normalement rencontrer les personnes qui ne sont pas reconnues comme autorité. Alors, le gros problème déjà, c'est que tous ceux qui ne sont pas reconnus comme autorités souvent peuvent devenir des porte-paroles relativement intéressants et intelligents de phénomènes nouveaux, tandis que ceux qui sont autoritaires, ceux dans les mains desquels on va remettre une forme d'autorité religieuse ou politique, par exemple, ceux-là sont soumis à une manipulation de la part de ceux qui vont donner l'autorité et ils ne peuvent à peu près jamais amener quelque chose de neuf. Autrement dit, si un jour un pape aurait dit qu'on doit devenir pauvre, qu'on doit vendre tout ce qu'il y a dans le Vatican, qu'on doit effectivement essayer de vivre un peu plus la parole du Nazaréen, ben, ce pape, on l'aurait carrément déchu, on l'aurait assassiné, on l'aurait éliminé, on l'aurait crucifié, on aurait fait quelque chose avec. Alors, à un moment donné, ça a été François disons, d'Assise, qui, lui, a pu recevoir ce genre d'informations vibratoires et il les a communiquées. Maintenant, vu qu'il était, encore une fois, un individu qui n'était pas féru d'autorité, ça l'a pris plusieurs années avant que quelqu'un daigne bien l'écouter. Et parce qu'un jour, le pape a décidé de l'écouter, toute la population, disons, enfin, la majorité de la population catholique et chrétienne ont commencé à le respecter. Alors, c'est un peu le même phénomène. Pourquoi les apparitions ou tout ce qui apparemment tient de l'intelligence ne peut pas passer par ceux qui, humainement parlant, sont supposés à être en contact avec l'intelligence? Si l'apparition de Fatima est quelque chose de réel du point de vue religieux, du point de vue théologique, pourquoi le phénomène qui va opérer l'apparition ne parle-t-il pas directement à ses envoyés sur la planète Terre ou à ses représentants? Alors pourquoi, si le problème, le phénomène de Fatima est un phénomène théologiquement vrai, pourquoi les phénomènes divins n'ont pas directement parlé au pape? Alors il y a donc un problème de communication entre les représentants humains des phénomènes divins. Et normalement, lorsqu'il y a apparition, c'est presque continuellement avec des individus qui ont suffisamment d'anégoïsation, donc qui n'ont pas de gros égos et qui ne sont pas assujettis à un carcan collectif, c'est-à-dire que lorsque l'on place quelqu'un dans une forme d'autorité, la population s'attend à ce que la personne soit acte le rôle qu'on s'attend qu'elle acte. Alors, un pape ne peut pas aller dans un camp de nudistes, même si il aurait le goût. Un pape ne peut pas, disons, se moucher en public, n'est-ce pas? Ça apparaîtrait suspect. Bon, alors automatiquement, le pape ne peut pas non plus amener des choses neuves. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si les personnes qui, dans les mains desquelles on place l'autorité suprême, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau papal, que ce soit au niveau de n'importe quelle religion, on parlait tout à l'heure d'un ayatollah, entre autres, qui est le représentant planétaire du phénomène mahométain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut poser deux questions qui ont d'ailleurs été posées souvent. Est-ce que simplement les phénomènes divins voulaient amener quelque chose de neuf sur la planète Terre en plus du phénomène papal, ou bien simplement si la religion catholique, avec le pape comme chef, n'est pas le successeur du Nazaréen, donc n'est pas le porteur de la réalité chrétienne ou catholique? Bon, c'est la question fondamentale que beaucoup vont se poser au niveau de l'ésotérisme, ésotérisme catholique ou ésotérisme ésotérique. Bon. Le phénomène le plus important, c'est que la majorité des apparitions sont créées, sont constituées par des phénomènes égrégoriens. On a souvent parlé du phénomène égrégorien, des égrégores. L'égrégore est une concentration mémorielle de répétition, inlassable d'un rituel qui peut être magique, c'est-à-dire un rituel qui doit donner des résultats dans le monde de la mort, donc dans le ciel. Et lentement, ce qui va arriver, c'est que, prenons juste l'exemple pour expliquer brièvement à ceux qui ne sont peut-être pas encore, connaissants de certains mots. Lorsque, avant Moïse, lorsque les humains observaient la foudre, les humains avaient peur de la foudre. Tous les humains qui avaient peur de la foudre finissent par créer dans le phénomène, dans le monde astral, donc dans le ciel, finissent par créer un phénomène égrégorien, c'est-à-dire que chaque fois qu'un humain a peur de la foudre, l'émotion est enregistrée. On a souvent parlé que la matière enregistrait tout ce qui se passait, comme une cassette va enregistrer, comme une plaque photographique va enregistrer, etc. Sauf qu'il faut avoir l'instrument pour évidemment lire ou révéler la chose. Le corps physique aussi est de la matière physique, mais il peut enregistrer mémoriellement les choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un humain a peur de la foudre à cette époque, anti-Moïse, automatiquement, cela va enregistrer une mémoire de cette peur de la foudre. Et lorsque des milliers d'humains, sinon des millions d'humains, auront suffisamment énergisé cette mémoire de la peur de la foudre, alors cela va créer une mémoire qui va finir par s'identifier. Cela va créer un égrégore. Et cet égrégore, qui aura été créé par la peur de la foudre, aura qu'une seule fonction, rester. Donc, rester vivant, conserver son identification, et pour ce faire, il devra s'auto-énergiser, c'est-à-dire recevoir encore de l'émotion de peur de la foudre. L'égrégore n'ayant pas de corps physique autre que la matière qui l'enregistre, c'est normalement l'atmosphère ou encore le véhicule planétaire terrestre, l'égrégore peut entrer en résonance avec ce qui, chez l'homme, crée cette peur. Automatiquement, l'égrégore va tenter de contrôler l'homme à partir de sa propre âme, donc de la psychologie de l'homme, donc du plein émotif de l'homme, ce qui fait que l'homme va découvrir un dieu, le dieu de la foudre. Ce dieu de la foudre va manipuler l'humain pour faire peur à l'homme. Donc, le dieu de la foudre instruira l'homme de l'époque qu'effectivement, il a de la puissance, qu'il peut foudroyer, qu'il peut mettre le feu, que c'est lui qui dirige les orages. Alors, on doit donc maintenant être assujetti au dieu de la foudre, donc se soumettre à lui. S'il y a des orages trop violents, on fait un sacrifice, on prie, on offre quelque chose, on essaie de plaire un peu à ce dieu pour que celui-ci cesse d'envoyer ses foudres sur l'homme. Lorsque l'homme découvre le soleil, c'est le même phénomène d'expression de béatitude devant le soleil, et lentement on va créer un égrégore qui va aussi venir tenter de manipuler l'homme, et on aura le dieu soleil, on aura le dieu de l'amour, on aura le dieu de la jalousie, on aura le dieu de la guerre, on aura tous les dieux que l'Antiquité a connus. Mais à un moment donné, un être humain arrive sur la planète, il est instruit par des forces melchisédiennes, donc un jour on va revenir sur le phénomène melchisédek qui était aussi apparent à l'époque du Nazaréen. Et il comprend le phénomène des myriades d'égrégores qui, présentement, manipulent les humains. Et il est le premier à avoir une puissance suffisamment intelligente pour pouvoir obliger le cœur de l'homme à prendre tous ces foutus égrégores et à les unir dans un égrégore. Et donc, Moïse amène du polythéisme, le monothéisme, un seul Dieu. Maintenant, Mahomet va être une poursuite, parce qu'il faut comprendre que la religion de Mahomet est une extension des religions de Moïse, des religions juives, de ces religions. Le bouddhisme est une religion à part, mais qui encore là amène une forme de monothéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dieu, mais il n'y a donc pas de plusieurs dieux. Et alors, donc, Bouddha va amener l'idée de la mécanicité de l'évolution, réincarnation, mort, mortalité, réincarnation, mortalité, souffrance, etc. Bon, donc Bouddha a compris certaines choses. Maintenant, c'est sûr que s'il reviendrait aujourd'hui, il se rendrait compte que tout ce qu'il a compris est maintenant à recomprendre. Bon, parce que c'était une chose à l'époque, mais ça l'a bien changé depuis. Bouddha s'est trompé sur plusieurs points. Comme d'ailleurs dans l'Antiquité, on s'est trompé sur beaucoup de points. Maintenant, c'est intelligent de se tromper, c'est-à-dire que les humains de l'époque ne se trompaient comme tel pas, relativement. Ils exprimaient des choses en fonction des oreilles qu'ils pouvaient écouter. On en arrive aujourd'hui à un phénomène relativement égrégorien où on a non plus une myriade de dieux, mais où on va rencontrer un égrégore massif, l'égrégore de Mahomet, par exemple, donc d'Allah, l'égrégore de l'Église catholique, toutes les suites, l'égrégore juif, par exemple. Et ces immenses égrégores ont une seule raison, évidemment, c'est de forcer l'humain à les nourrir. Donc, ces égrégores forcent l'être humain, manipulent l'humain. Premièrement, disons, manipule l'humain de deux façons. La première chose qu'un égrégore demande à l'homme, il faut comprendre une chose, c'est que l'être humain est conçu d'une âme. Cette âme, elle est gestative en même temps que le fœtus dans l'utérus de la mère. Et cette âme, c'est un phénomène séraphique, donc d'énergie vitale, qui, au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant nouveau-né à l'adulte, va grandir au fur et à mesure que de l'expérience mémorielle va pénétrer dedans. L'être humain a toujours... Quand on disait dans l'Antiquité, plus l'homme apprend, moins il sait. Plus l'homme a de la mémoire, plus il fait référence à ses mémoires, donc moins il fait référence à la vie. Alors effectivement, plus l'homme a de la mémoire, plus il est en dissonance avec la réalité, donc moins il peut savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, et ça vous pouvez le constater d'ailleurs chez vous, lorsque l'être humain a beaucoup de bagages mémoriels, il se sent un peu plus sécure, et chaque fois qu'il y arrive quelque chose, il fait référence à son expérience pour essayer de surmonter le neuf. Lorsque l'être humain a une vibration intuitive qui le fait mettre en contact avec une mémoire non pas limitée à son expérience, mais une mémoire égrégorienne, donc placée dans le ciel, dans l'astral, dans le monde de la mort, une mémoire qui englobe des milliers d'années et qui englobe des millions de personnes. C'est un égrégore religieux, par exemple. L'égrégore politique est la même chose, mais il était inclus dans un égrégore religieux. Bon, l'égrégore familial, c'est le même phénomène, il est inclus dans l'égrégore religieux. Lorsque l'être humain entre en contact avec cette vaste mémoire, évidemment, il se sent sécure. C'est pourquoi, automatiquement, il va avoir l'impression que l'autre, que cette mémoire, est d'autant plus puissante que lui, qu'elle a une conscience mémorielle plus grande. Et c'est pourquoi l'être humain s'en remet automatiquement à toute cette panoplie ou à ce phénomène, disons, céleste, qu'il va découvrir par intuition. Présentement, on parlait de deux égrégores majeurs, l'égrégore d'Allah, de Mahomet, l'égrégore catholique, et on a la même chose, les égrégores instruisent l'homme, premièrement, que tu ne dois pas fouiller dans un autre égrégore, donc tu ne dois pas quitter celui-ci, et deuxièmement, que tu dois tout faire pour que ceux qui sont à l'extérieur rentrent dans celui-ci. Plus il y aura d'humains à prier, à émotiviser les choses, plus il y aura donc de sources de nourriture pour entretenir ce ciel, donc pour entretenir cet égrégore. Évidemment, d'un bord ou de l'autre, il y a une guerre d'égrégore, donc une guerre de Dieu encore une fois, et évidemment, l'homme est manipulé, assujetti à ce phénomène, donc l'homme va évidemment, à un moment donné, entrer dans une guerre de religion. On veut juste aborder un petit peu une des choses, troisième secret de Fatima. On parle de guerre nucléaire. Disons que faut juste raffiner un peu les choses. Ce sera une guerre religieuse, la prochaine guerre. Ce ne sera pas une guerre de territoire, ce ne sera pas une guerre scientifique, ce sera une guerre religieuse. Donc, on entrera dans une croisade catholique ou dans un djihad islamique, donc qui sera évidemment allié à l'URSS, qui va tenter d'éliminer le phénomène religieux ou théologique, disons, tel qu'on le connaît au niveau des pays de l'Ouest. Alors, ce sera une guerre religieuse. On va entrer dans une guerre religieuse. Ce ne sera pas une guerre territoriale ou une guerre exclusivement de défense. Ce sera une guerre de fanatiques. C'est évidemment les pires des guerres. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a une apparition, il y a simplement ceci, que lorsque les êtres humains finissent par douter de la mécanicité d'une religion, ils prient moins, ils répètent moins le chapelet, ils offrent moins de choses, ils vont moins à la messe, donc ils nourrissent de moins en moins ce ciel, cet égrégore. L'égrégore étant moins nourri perd de la puissance. Perdant de la puissance, les miracles vont tendre à disparaître, évidemment. Hein? Dans une nouvelle religion qui vient de naître, par exemple, on a une guérison, on a une autre guérison. C'est normal, tous les fidèles prient, prient, prient. Comme il n'y a personne qui tête et qui demande, alors évidemment, l'égrégore devient suffisamment puissant que le prêtre, qui n'a pas de puissance, peut, au nom de l'égrégore, donc au nom de Dieu, ou au nom d'Allah, ou au nom de Jéhovah, ou au nom de Yahvé, ou etc., obtempérer une guérison. Sauf que l'instant où on a une ou deux ou trois guérisons, tout le monde veut quelque chose. Tout le monde se met à têter, l'égrégore est vidé, plus de miracles. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a des apparitions, normalement, l'égrégore va prendre de l'énergie qui lui reste pour se servir de l'énergie vitale de certains humains, donc créer un ectoplasme, un phénomène fantomatique, et créer une apparition qui va normalement laisser une trace mémorielle dans la conscience des humains qui se croient médiocres et qui ne savent pas ce qu'ils font sur la planète Terre. Et les humains, après avoir vu cette chose, vont normalement redévelopper leur ferveur religieuse et on va recommencer à renourrir cet égrégore. C'est pourquoi normalement on a des apparitions, parce qu'il faut bien comprendre que dans les traditions amérindiennes, il y a eu des apparitions. Hein? On a eu des apparitions chez les Amérindiens, relativement à leur religion. L'islam a eu ses apparitions. Au niveau du bouddhisme, on a eu ses apparitions. Au niveau des juifs, on a eu ses apparitions. Au niveau du catholicisme, on a eu aussi ses apparitions. À un moment donné, les apparitions étaient relativement ectoplasmiques, donc d'énergie vitale. C'est ce qu'on va appeler l'ange Gabriel, ce qu'on va appeler d'autres phénomènes qui apparaissaient. Maintenant, au niveau de Fatima, c'est autre chose. C'est intéressant d'en parler en 1987, 70 années après, et présentement, on est juste avant la période des débuts des apparitions. Du début des apparitions, tu dis? Mm-hmm. De 1917. On est en janvier 1987, donc disons que ça va faire 70 ans exactement lorsqu'on va arriver vers mai 1987. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de Fatima est un phénomène égrégorien d'ordre catholique. Il y a, sur le plan terrestre, une constatation que chacun d'entre vous a le devoir un jour arriver à faire, pas à apprendre. Une constatation que vous devrez faire, une observation. C'est qu'il n'y a rien qui se passe sur le plan planétaire qui ne soit pas prévu et intelligent. Lorsqu'un enfant handicapé vient au monde, c'est intelligent. Il y a une raison intelligente. Parce que l'humain regarde son nombril, il ne peut pas la voir. Lorsqu'un DC-10 s'écrase, lorsqu'un Boeing s'écrase, il y a des raisons intelligentes. Lorsqu'une navette spatiale explose, il y a des raisons intelligentes. Bon, il n'y a pas de perte d'âme, il n'y a pas de perte de processus évolutif. Il y a de l'incompréhension au niveau de l'homme, ce qui fait souffrir l'homme et qui en même temps l'instruit. Chaque chose est intelligente. Si on a tenté d'assassiner Jean-Paul II, c'est que c'est intelligent. On ne pouvait pas l'assassiner parce que ce n'était pas là que Jean-Paul II devait mourir. Bon, mais c'est intelligent. Ça permettait à certains humains d'ouvrir un peu plus leurs yeux pour découvrir certaines choses. Lorsque les apparitions de Fatima ont commencé au niveau du Portugal, donc dans une région où la ferveur campagnarde était relativement haute et où on pouvait facilement agenouiller tout le monde, l'égrégore de la chrétienté, du catholicisme entre autres, a lentement constitué une mécanicité qui a été l'apparition de Fatima. L'égrégore n'était pas parfait, c'est pourquoi il y a eu certaines choses qu'on a béatifiées par la suite, mais enfin, l'être humain béatifie n'importe quoi, exactement comme on va de temps en temps, certains vont vénérer le cœur du frère André. Si André serait encore ici aujourd'hui, si on lui dirait, une fois que tu vas être mort, là, on va faire ça avec ton corps, sans doute qu'il serait sauvé en Amazonie pour mourir. Bon. Mais c'est l'idée même de la cristallisation de certaines choses. On nuit plus souvent par notre amour qu'on va aider. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on aime, c'est ce que ça fait chez nous, et pas la chose apparente. Lorsque Fatima est apparue pour la première fois, c'est un phénomène qui devait rallier les humains au christianisme, donc au catholicisme, à la ferveur religieuse. Tu devras prier, donc dire ton chapelet régulièrement. Oui, plus tu donneras de l'énergie, plus on viendra t'en donner. Maintenant, la première prophétie est une prophétie lecture de l'astral, c'est-à-dire que l'on va prévoir des choses qui sont déjà en train de se faire. La mortalité, par exemple, des deux jeunes. Les deux jeunes qui étaient déjà, de toute façon, pathologiquement atteints et génétiquement déficients. Bon, c'est donc une prophétie relativement facile pour un phénomène astral ou céleste. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième prophétie, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore une prophétie style de Nostradamus ou Edgar Cayce, une prophétie tout à fait imbécile à faire, c'est-à-dire que c'est évident que la guerre va finir, soit parce qu'il n'y aura plus d'humains pour se battre, soit qu'à un moment donné, ils vont comprendre quelque chose. Bon, mais c'était évident. En partant, ce n'était pas compliqué. Maintenant qu'il va y avoir un autre conflit, alors on peut commencer à s'amuser. Mais encore là, combien sur la planète, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont prédit un troisième conflit? Depuis l'humanité, l'humain se tape dessus. Ce qui fait qu'en prédire un autre conflit, ça devenait une chose facile. Mais le troisième secret de Fatima, lui, il est devenu intéressant. Lorsque la Vierge est apparue, ce n'était pas la Vierge, évidemment, c'était une mémoire de ce que Marie était, parce qu'il faut bien comprendre que les êtres humains, lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils ont éthérisé leur corps, le Nazaréen, par contre, comme exemple, lorsque le Nazaréen a été crucifié, il a pénétré l'enfer, c'est-à-dire qu'il est descendu aux enfers, son corps physique est mort, on l'a mis dans un tombeau, le Nazaréen, lui, n'était pas mort. On a déjà parlé de comment survivre à sa mort, donc on expliquait le processus justement de ce phénomène. On va de toute façon y revenir dessus au cours de l'année 87. Et lorsque le Nazaréen est revenu, il avait un corps de lumière, c'est-à-dire qu'il avait un corps éthérique, donc un corps supramental. Donc il s'était fusionné à son double éthérique, ce sont des termes plutôt québécois sur lesquels de toute façon on va revenir. Et lorsque le Nazaréen a été éthérifié, automatiquement le corps de chair disparaît. Presque immédiatement, donc il n'est jamais sorti du tombeau, il s'est simplement défait. Et lorsque les apôtres ont vu le Nazaréen, c'est un corps éthérique qu'ils voyaient, donc un corps de lumière. Alors Marie a eu, à un moment donné, un phénomène similaire, un peu comme Lazare d'ailleurs, et ils ne réapparaissent pas pour s'amuser avec les humains comme ça. Bon. La mémoire de Marie, c'est-à-dire que tout ce qui a été enregistré sur Marie à l'époque de son vécu, comme après sa disparition, parce que les humains l'ont dessiné, l'ont peinturé, ont prié, l'ont imaginé, ont dit d'elle des choses, ont dit des choses qu'elle n'avait pas dites, ont dit des choses que supposément elle avait dit, l'ont détesté, l'ont aimé, ont voulu la marier, ont voulu s'en faire une mère, une sœur, etc. Tout cela accumule des mémoires grégoriennes au niveau de Marie, et à un moment donné, ces choses-là vont apparaître quelque part. C'est un peu comme quelqu'un qui rencontre Dieu et qui le voit, ben il va le voir tel qu'il l'a déjà vu dans son enfance sur des dessins, tel qu'il est stéréotypé au niveau des égrégores. Mais Dieu n'a pas de face, ni de couleur de peau, ni de barbe. Bon, sa peau, c'est une barbe. Imagine-toi la longueur de la barbe que Dieu devrait avoir. Hein? Bon, il n'a pas de barbe. Bon. Ben, c'est des concepts humains. C'est correct et c'est normal. Ça permet à l'humain de pouvoir se tenir sur quelque chose. Pris donc de l'intelligence et venu manipuler la manipulation. Fatima devait manipuler les humains, mais Fatima manipulait les humains d'une façon intelligente, c'est-à-dire que Fatima, l'apparition, était elle-même manipulée et elle a dû manipuler les humains. Sauf que les humains, Fatima, lorsqu'il a révélé ce troisième phénomène, c'est un phénomène qui ne s'adressait qu'à la religion catholique, c'est un message qui ne s'adressait comme tel qu'au pape, et le pape, lui, devait le révéler à l'humanité. Pourquoi? Parce que si le message de Fatima aurait été révélé par une autre source qu'une voix papale, l'humanité n'aurait jamais cru ce phénomène. Bon, je vais en parler ce soir, mais vous ne me courez pas non plus. La preuve que je vous dis vrai. Bon. Alors donc, Lucien a donc écrit ce message qui est écrit sur plusieurs pages. Hein? Ce n'était pas simplement « Il y aura la fin du monde en l'an 2023 ». Ce n'est pas ça qui était écrit. C'est pas mal plus compliqué que ça. Lorsque l'apparition, elle est arrivée sur le plan terrestre, après la quatrième ou cinquième apparition, elle était manipulée par de l'esprit. Elle n'était plus exclusivement égrégorienne. Donc, elle pouvait maintenant porter un message qui pouvait même aller à l'encontre de toute la chrétienté. Tandis qu'une apparition qui reste égrégorement créée par un égrégore religieux, par exemple, ne peut pas amener un message qui peut aller à l'encontre. Ce sera toujours un message de Ayez crainte, craignez ceci, faites attention à ceci, énergisez, priez, offrez, faites les rituels, conservez la tradition, lisez les livres sacrés. Normalement, une apparition va faire ce genre de message. C'est ce que, évidemment, Notre-Dame de Fatima a commencé par faire. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a donné un message qui ne pouvait pas être révélé, un message qui n'a été compris qu'exclusivement par Lucia, et qui devait être révélé par celle-ci, donné dans les mains d'un pape à un certain moment donné, où celui-ci serait sans doute en affinité pour le révéler. Le pape a été Jean XXIII. Jean XXIII, au lieu de révéler la prophétie, s'en est servi, et d'ailleurs, il avait déjà eu certains... Il savait déjà un peu, c'était quoi? Il a écrit ses propres prophéties, les prophéties de Jean XXIII. Ces prophéties disent, entre autres, à un moment donné, des nouvelles terres, un jour, l'ultime arche quittera le fleuve, qui quittera, disons, le bord de l'eau sur un fleuve, mais sa coque n'atteindra jamais l'eau salée, parce qu'elle sera arrêtée, levée dans les mains de Dieu et portée au ciel. Alors, on peut chercher où elle est, cette terre neuve. La terre neuve a toujours été les continents neufs, qui ont toujours été les continents américains, qui ont toujours été les continents nord-américains. Donc, Canada, Amérique, États-Unis d'Amérique. Jean XXIII n'a pas voulu parler de ce message. Paul VI en a eu connaissance. Jean-Paul Ier en a eu connaissance. Jean-Paul Ier a voulu faire des choses, et Jean-Paul Ier n'a pas fait ces choses. Pour des raisons mécaniques, il n'avait plus de corps physique. Ben, il a été... Bon, enfin, il est mort. Jean-Paul II a aussi la connaissance de ce troisième secret de Fatima et ce n'est pas à lui de le révéler parce que c'est à Jean XXIII de le révéler. Jean-Paul II est sans doute l'un des papes les plus initiés que le catholicisme a eu. On a eu des papes qui étaient complètement débiles. On a eu des papes qui n'étaient pas géniales, on a eu des papes qui étaient drôlement intelligents, on a eu des papes qui étaient extraordinaires, et on a Jean-Paul II qui est sans doute l'un des plus initiés des papes. Évidemment, lorsque quelqu'un est initié, il fait le rôle, il accomplit la fonction qu'il doit accomplir, il ne joue pas un jeu pour faire plaisir aux gens. Alors, à un moment donné, un pape, par exemple Jean-Paul II, va dire ceci, ceci, ceci, mais c'est pour que les gens fassent l'inverse. Bon. Puisque s'il dirait carrément l'inverse, lui avec, il lui arriverait la même chose que Jean... Paul Ier. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène des prophéties? Premièrement, pourquoi moi, je pourrais parler du troisième secret de Fatima alors que le pape ne l'a pas divulgué et alors que théoriquement, personne d'autre sur la planète ne le connaisse? Théoriquement. Théoriquement. Il y a d'autres individus qui le connaissent, évidemment, pour la simple raison que lorsque l'intelligence descend, elle ne s'adresse pas exclusivement qu'à une poupée, donc à une apparition. Mais évidemment, Jean XXIII a eu la saveur de ce message. Il a eu la confirmation du message par les papiers de Lucia. Mais lui, il était... Bon, premièrement, la Vierge va dire à un moment donné... Enfin, la Vierge, ce n'est pas la Vierge, hein, bon. Parce qu'elle était vierge à l'apparition du Nazaréen, mais par la suite, le Nazaréen a eu des frères. L'apparition va dire à un moment donné qu'il y a dans l'Église catholique beaucoup de pourceaux. Et elle va dire que c'est un des gros dangers, c'est que le catholicisme doit bouger, doit faire quelque chose. C'est la dernière chance que l'humanité a, parce que si l'humanité ne vire pas de cap, va se passer des choses. Son message est évidemment coloré par l'égrégore du catholicisme, donc il reste un peu catholique. Mais c'est ce qu'elle dit. Et lorsqu'un égrégore d'une religion particulière vient dire qu'il y a des pourceaux dans ce qui normalement doit être l'autorité de l'expression de cet égrégore sur le plan terrestre, c'est que l'égrégore est manipulé par de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est? Premièrement, n'importe quel genre d'apparition, on ne doit pas se mettre à genoux, prier et relancer une ferveur religieuse. Parce qu'imaginez-vous bien que si Dieu n'a pas d'autre moyen pour vous rallier à lui que de vous envoyer des poupées, que vous faire suinter des statues ou que vous faire pisser le sang des poteaux de du Bel Canada ou de l'Hydro-Québec, c'est qu'il y a un maudit problème. On va dire, l'être humain a le libre arbitre et on le pogne par les émotions, on fait suinter des statues, on fait ceci, on fait cela, on crée une apparition avec un cœur qui pompe à l'extérieur. Et l'être humain a un libre arbitre. Non, non, ça c'est une manipulation absolument propagandiste des phénomènes religieux. Là, je veux pas ça un libre arbitre, mais dans ce temps-là. Vous avez un libre arbitre, sachez bien. Vous pouvez, si vous voulez, tuer les gens ou ne pas les tuer. Mais si vous les tuez, on vous met en prison. Appelez-vous ça un libre arbitre. Pas un libre arbitre. L'humain n'a pas de libre arbitre non plus. Juste ce qui est intéressant de saisir, c'est que lorsque Fatima se présente la face, elle vient révéler à l'humanité un phénomène qui ne peut être révélé que par le pape, pour la simple raison que le troisième phénomène de Fatima ne parle que, en gros, que de la chrétienté. Il parle premièrement de l'extinction de l'Église catholique romaine, de la probabilité de l'extinction. Il parle aussi, c'est-à-dire qu'il vient, la prophétie vient accréditer un peu Malachi lorsque l'on parle d'une probabilité d'assassinat d'un des papes. Bon. On parle aussi d'une région où va naître le changement si le changement ne naît pas dans l'Église. Cette région, c'est le Québec. On parle aussi, on demande au phénomène papal d'expliquer à l'humanité pourquoi l'Église catholique romaine s'est vue retirer, disons, l'autorité de poursuivre le travail du Nazaréen à l'échelle de la planète. Et pourquoi, depuis la disparition du Nazaréen, l'Église catholique romaine n'a pas eu cette autorité? L'Église catholique romaine a donc été le véhicule qui a permis à la majorité des personnes qui vibraient dans l'idée du Nazaréen ou dans l'idée du Christ ou dans l'idée du catholicisme ou dans l'idée de la chrétienté de pouvoir se rallier à certains messages intelligents. Parce qu'on a eu des saints, mais les saints n'ont pas été des papes. Bon, on a eu un paquet de personnages, ectopisme à la religion, qui s'y sont ralliés à un moment donné et qui ont toujours été réinstruire l'Église de comment on devait faire. Parce que l'Église, apparemment, ne le savait pas comment on devait faire. C'est normal pour la simple raison que, et c'est d'ailleurs ce que Fatima demandait au pape d'expliquer. Pas Fatima, mais... Fatima qui demandait. Non, mais je parle Fatima parce que tout le monde parle de Marie ou de Notre-Dame. Enfin, c'est peut-être votre dame ou leur dame. Appelons-la Fatima. Bon. Fatima demandait d'expliquer quoi? D'expliquer simplement ceci, c'est que rappelez-vous que c'est écrit dans les livres qu'à un moment donné, le Nazaréen a dit à Pierre que tu vas me renier trois fois. Pauvre type. Et Pierre, pour lui prouver que le Nazaréen était ce qu'il était, effectivement, le renie trois fois. Et à partir de ce reniement de trois fois, il s'est passé des choses. Bon, Pierre a pleuré, Pierre a fait ceci, Pierre s'est tapé la tête sur les murs, c'est intéressant, mais il s'est passé des choses. Est-ce que je veux dire par là que la religion catholique romaine est tout à fait en dehors de la traque? Mais absolument pas. Il faut faire attention. Tous ceux qui sont, la majorité des prêtres de l'Église catholique romaine sont dans le chemin. Pas tous. Majorité. La majorité des évêques sont dans le chemin. Quelques archevêques sont dans le chemin. Et plus on se rapproche donc du pape, plus on se rapproche d'une phénoménologie qui n'est pas nécessairement l'autorité. Donc, il faut faire la différence entre le phénomène papal et le phénomène de l'autorité. Parce que si à un moment donné, un être humain décide de prier son Dieu à sa façon, est-ce que nécessairement il est à côté du chemin? Si on veut se fier au phénomène égrégorien, on va dire oui. Vous priez? Parfait. Allez-vous à la messe tous les dimanches? Non, vous devriez. Parce que sinon, Dieu ne vous écoutera pas. Et ça, viens mettre ton énergie dans une collectivité pour énergiser cet égrégore. Parce que tout seul chez vous, tu n'es pas assez puissant pour amener de la nourriture. Lorsque l'être humain est capable de se dissocier totalement d'un rituel traditionnel pour commencer à vivre de sa propre religion, il est sur le chemin. Lorsque l'être humain est confiné dans une tradition rituelle, collective, il nourrit, il prend son énergie et il la sac ailleurs. Mais lui ne s'en sert jamais. Parce qu'il y a une chose très importante, c'est que l'Église avait des clés. Elle les a cachées pour que les humains ne s'en servent pas. L'Église a caché ses clés tellement bien qu'elle les a oubliées, qu'elle les a perdues. Et l'une des clés fondamentales est le verbe, c'est-à-dire le nom. Lorsque l'être humain prie, mais jamais il ne donne son nom à lui. Et c'est son nom qu'il met en connexion avec le ciel s'il veut recevoir à un moment donné quelque chose. C'est pourquoi avec on va guérir, on va dire ici, j'ai mon frère ou ma sœur, un tel, il faut donner le prénom. Pas de nom de famille, c'est la génétique collective. Ça, c'est le phénomène égrégore familial. Mais on doit donner le nom, parce que sinon, Dieu va guérir qui? Personne. Non, je dois donner le nom. Parce que c'est la clé. Mais il y a différentes clés comme ça qui ont été perdues. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que Il y a le phénomène Lazare, il y a le phénomène Pierre. Pierre a renié trois fois. Fatima demandait simplement à l'Église d'expliquer que lorsque Lazare avait accepté l'initiation suprême, celle de la descente aux enfers, lorsque le Nazaréen est revenu par la suite parce qu'on lui a dit que Lazare était mort et qu'il commençait à puer, le Nazaréen leur a répondu « Non, il n'est pas mort, il dort », parce que lui savait très bien que le phénomène, disons, la conscience même de Lazare n'était pas morte. Elle avait pénétré le monde de la mort dans un corps éthérique, donc elle ne pouvait pas mourir, ce que le Nazaréen lui-même allait vivre une fois crucifié. Et lorsque le corps commençait à pourrir, c'est normal. Le Nazaréen s'est approché de l'endroit où on avait enseveli Lazare et la lumière du Nazaréen a servi de phare au niveau terrestre pour ramener ce Lazare dans un corps qui a automatiquement été revivifié, donc il est revenu normal. Lazare a été celui entre les mains de qui le Nazaréen a placé la continuité planétaire au niveau d'évolution de ce que le Nazaréen avait commencé. Tandis que Pierre, lui, était celui qui avait été nommé avant et c'était intelligent parce que Lazare devait travailler seul. Pourquoi Lazare devait-il travailler seul? Ce n'est pas compliqué. Je répète encore une fois que lorsque nous prenons une personne, que nous la plaçons pape, ou que nous la plaçons président des États-Unis, ou premier ministre du Canada, automatiquement, cette personne n'est plus libre. Elle est pognée. Le pape ne peut pas faire des choses que normalement un humain libre pourrait faire. Ne peut pas. Le pape, par exemple, un pape n'aurait pas pu faire ce que François d'Assise a fait. Un pape n'aurait pas pu faire ce que André ici a fait. Frère André. Un pape n'aurait pas pu faire ce que les simples font. Pourquoi? Parce que le pape est pogné par le carcan de tous ceux qui l'ont placé là. Et le pape se doit d'être à la hauteur de nos espoirs. Mais pas à la hauteur de l'expression de l'intelligence. Parce qu'un pape qui est à la hauteur de l'expression de l'intelligence, non nécessairement, à un moment donné, va sortir en avant et va dire aux fidèles, « Hey, gang de cave, il pleut! » Et rentrez chez vous! Ou encore, il va dire, vous venez ici pour faire des offrandes, ben, il y a un petit livre ici, parce que si je vous dis, si je vous donne pas le livre, vous me croirez pas. Fait que je dois citer le livre, hein, parce que le monde, si tu cites pas, il te croit pas. Bon. Alors, il va citer, il va dire, à un moment donné, avant de faire de vos offrandes, allez donc voir vos frères et vos sœurs, ceux que vous connaissez, puis ceux que vous avez offensés, puis demandez-leur pardon à eux. Parce que c'est du pouvoir de l'homme de remettre les péchés. Puis après, ça va être du temps à perdre, vous viendrez ici, puis on va prier ensemble. Je ne sais rien qui disait ça. Mais le pape ne peut pas dire ça. Le pape, il sort dehors, puis le monde, ils veulent que le pape le bénisse. Les bénisse. Fait que le pape, il sort, puis il est béni. Qu'est-ce qu'il fasse d'autre? Il n'a pas le choix. Pensez-y deux secondes. Le pape, il est extraordinaire parce qu'il faut un bonhomme mauditement, soit carrément sot, soit mauditement illuminé pour être capable de jouer un jeu pareil, tout en sachant. Mais le jeu est intelligent, pour l'instant. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Lazare devait jouer, faire son travail seul, donc créer des phénomènes qui ont été catholiques, mais qui ont été ectopiques de la religion catholique. On a eu, par exemple, il y a différents ordres mondains qui sont apparus. Il y a l'ordre de la Rose-Croix qui en est un. Il y a un paquet d'autres sectes, apparemment appelées sectes, qui, justement, vont germer. On a même des prêtres aujourd'hui qui sont prêtres, parce que, bon, la seule façon qu'ils ont de parler correctement du phénomène du Nazaréen, c'est d'être connus prêtres. Mais l'Église ne veut même pas les reconnaître pour la simple raison que ces bonhommes-là, ben, ils sont pas assez traditionnels, ils comprennent trop de choses que l'Église ne comprend pas. J'ai rencontré un prêtre à un moment donné qui vient me dire, il a osé, il va me dire comment il faut être pour être un prêtre, il venait me dire, le Saint-Esprit, je l'ai, j'ai un contact avec. Ben, j'espère que tu es prêtre. Puis quand tu as un contact avec le Saint-Esprit, tu te rends compte que c'est physique, le contact. Fait que là, je dis, ouais, bon, c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas que les femmes soient prêtres. Il dit non. On dirait que ça transforme mon corps. Ben moi, j'ai dit, évidemment, le Saint-Esprit, c'est l'énergie supramentale. Ça opère une mutation dans le corps de l'homme. C'est ça qui crée l'homme nouveau. Mais toi, t'en as-tu parlé, ça, à ton Église? Non, mais l'Église ne veut rien savoir de lui pareil. Pourquoi? Parce qu'il est dans le chemin, il marche en plein où ce qu'il faut marcher. Mais vu qu'il emploie des mots adaptés à quelque chose d'autre, tu sais, à l'époque où tu comprends en gros de même, tu as 15 mots pour en parler. Aujourd'hui, tu comprends en grand de même, 15 mots, c'est plus assez. Bon, mais si tu attends que la tradition t'invente des mots, la tradition est traditionnelle. Tu n'inventeras pas de mots, tradition. Faut qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre invente des mots. Le pape ne peut pas inventer de mots. Tous ceux qui ont d'autorité sont faits. Alors, nécessairement, pour que Lazare puisse accomplir un travail planétaire, fallait que Pierre se redresse et s'illusionne. Et là, évidemment, lui, il a eu l'autorité de l'homme tandis que Lazare avait l'autorité du Nazaréen. Et étant donné que l'homme s'occupait des descendants de Pierre, évidemment, ceux-ci recevaient toutes les misères de l'évolution de l'homme, laissant libre le phénomène Lazare qui lui pouvait travailler à l'échelle de la planète. Donc, Fatima, elle révèle simplement que l'Église est un phénomène drôlement intelligent, qu'on doit en expliquer l'intelligence, la nécessité et la réalité, parce que l'Église n'est pas quelque chose qui libère l'homme vers Dieu, c'est quelque chose qui veut monter vers Dieu en contenant l'homme. D'ailleurs, il n'y a pas une seule religion sur la planète qui permette à un individu dans cette religion de devenir libre un jour de cette religion. On a toujours des mécanismes infernaux, des mécanismes de péché, des mécanismes de ceci, de cela. Dernièrement, j'écoutais un auditeur à la radio qui disait que le synonyme de péché aujourd'hui était la tolérance. On ne doit pas tolérer. C'est ce que l'islam dit. Ils ne tolèrent pas. Ils veulent aussi envahir la planète. Ils doivent tuer les infidèles. Et lui parlait justement contre un musulman. Le musulman, il dit, « Ah ben oui, moi j'ai lu différents livres. » Et puis effectivement, c'est intéressant de... L'autre, il dit, « Vous ne devriez même pas parler à ce genre de gens. » Non, Dieu n'est pas dans une boîte en haut, excluant tout le reste de l'univers. Il y a présentement une phénoménologie égrégorienne qui va tendre de plus en plus à amener l'humain vers une guerre religieuse. Évidemment, lorsqu'on mélange politique et religion, ça fait de l'explosion. C'est ce qui se passe au niveau de l'islam, c'est ce qui s'est passé lors des croisades et c'est ce qui va se repasser à un moment donné aussi. Maintenant, l'être humain qui est confiné dans une tradition ne peut pas rencontrer quelque chose de neuf. Imaginez-vous que dans l'Antiquité, l'homme n'a pas de conscience suffisamment puissante pour recevoir de l'intelligence de façon globale. Alors évidemment, il transcrit par des mots, par des dessins, par des gestes, par de l'émotion, par des rituels, par des répétitions, certaines choses. À quoi ça sert la tradition? Le Nazaréen l'a dit à un moment donné. Il a dit, là, je bois du vin, je bouffe du pain. Vous allez refaire ça tout le restant de votre vie en mémoire de moi. Pour pas m'oublier, gang de cons. Ça. Mais ce n'est pas parce que tu répètes le phénomène, disons, du repas. Hein? Aujourd'hui, on le répète symboliquement parce que la messe, ça veut dire repas. Hein? De messe à table. Alors aujourd'hui, on répète le symbole, mais évidemment, on ne bouffe plus ensemble. Certains prêtres veulent le faire. C'est mal vu. Bon. Alors donc, tu répètes ces choses pour ne pas oublier. Mais c'est pas parce que tu répètes une chose que tu deviens l'autre. Porte les habits de Boy George, habille-toi comme lui, chante comme lui, tu ne seras jamais lui. Fais-toi crucifier comme le Nazaréen, puis essaie de faire n'importe quel genre de phénomène, tu ne seras pas lui. Le Nazaréen a fait une chose, il a exprimé ce qu'il était lui. Lorsqu'à un moment donné, un humain, sa planète exprime ce qu'il est lui, or, les phénomènes traditionnels, automatiquement, il devient. Fatima, ben, c'est pas plus compliqué, mise en garde à l'Église contre elle-même. Parce que si l'Église ne révèle pas maintenant son jeu, le jeu est connu évidemment par l'Église, c'est évident que le jeu est connu par l'Église. Bon, il y a des choses qu'on peut dire, mais qu'on ne dira pas tout de suite sur l'Église. Mais le jeu est connu par l'Église. L'Église doit donc maintenant révéler aux fidèles ce phénomène. C'est un poids immense à supporter pour un pape, parce que premièrement, ce pape va être renié. On ne le croira pas. On va s'illusionner un paquet de choses. Ce sera sans doute le seul pape. D'ailleurs, c'est Jean 23 qui devait le dire. Jean 23 ne l'a pas dit. Donc maintenant, d'autres humains devront le dire, des humains qui ne seront pas confinés au sein de l'Église. De l'Église, des papes. Ça va de soi. Tu veux dire qu'il n'y a aucun pape qui va vouloir supporter ce poids-là de divulguer? Non. Et c'est pourquoi, bon, moi, je peux en parler comme ceci, parce que premièrement, on ne me croira pas. Deuxièmement, on pense déjà un peu fou, ce qui fait que ça ne va pas améliorer les choses. Et troisièmement, ben, les humains oublient suffisamment les choses qu'ils ne veulent pas comprendre et qu'ils ne veulent pas observer. Bon. Pierre n'a jamais été initié à quoi que ce soit. Pierre a été reconnu à un moment donné pour la simple raison que le Nazaréen a posé une question à Pierre. Il lui a posé une attrape nigo. Il lui a simplement posé une question bien banale. Qui suis-je? N'importe quel humain aurait répondu, ben, t'es le fils de Marie, ou encore t'es le fils de Joseph, ou encore t'es un charpentier menuisier, ou encore t'es bon. Pourquoi? Parce que même si le Nazaréen induit à un moment donné certaines choses, l'humain, lui, se faisant toujours référence à ses mémoires, ne peut pas connaître le neuf. Pierre lui répond, tu es le fils unique de Dieu. Alors automatiquement, le Nazaréen sait que de l'intelligence supramentale du Saint-Esprit est évidemment en contact avec ce corps-là, le corps de Pierre. C'est pourquoi il lui dit que tu es béni, bon, et que Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais dans l'église, est-ce que je vais laisser l'autorité? On n'en parle pas. Sauf qu'à un moment donné, la seule personne qui va être initiée, et on n'en parle pas beaucoup, c'est Lazare. Le Nazaréen a ressuscité des morts. Mais de Lazare, il a bien dit qu'il dormait. Et en plus, on vient lui dire qu'il est malade, malade, malade comme un chien, il va mourir. Oui, ah, parfait, on va aller boire, on va aller trinquer, puis j'irai le voir plus tard. Oui, parce que l'initiation, elle est à faire. Lui, il le savait. Pourquoi attendre? Pourquoi le Nazaréen aurait attendu de Lazare que celui-ci souffre le martyre, soit malade, meure, pourrisse, avant d'aller le voir? Quelle belle économie d'énergie. Non, il y avait une raison intelligente là-dessous. Tandis que les autres, pas de problème, on voulait. Pourquoi il n'a pas dit à la personne qui venait le voir, « Mais t'as-tu foi en moi? » Oui, alors Lazare est guéri. Pourquoi qu'il l'a fait avec le Romain? Avec le soldat romain? Pourquoi il l'a fait avec d'autres personnes? Pourquoi il ne l'a pas fait avec Lazare? Parce que ce n'était pas à faire avec Lazare. C'est pas bien compliqué. Sauf qu'évidemment, on se fie à la tradition. On ne se fie pas à ce que la tradition veut expliquer. Guerre religieuse pour la fin des temps. Début l'an 2000, fin du monde. Ouais, effectivement, si on peut dire, c'est la fin de l'homme ancien. C'est donc la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du règne de l'homme. C'est la fin du règne de l'ego. Mais on parle de 2023, c'est le début de la fin, parce que ça va s'échelonner encore sur presque 1000 ans. Et on parle surtout de la fin d'un immense phénomène traditionnel et grégorien. Lorsque l'homme se fie à sa science, parce que l'être humain est soit cartésien, soit intuitif, donc soit qu'il fonctionne d'une façon théologico-émotive, soit qu'il fonctionne d'une façon intellectuelle-lico, disons cartésienne. Parce que l'homme est confiné à observer le ciel, observer les étoiles, lorsque l'homme est confiné à découvrir de nouvelles choses, lorsque l'homme est confiné à découvrir que de nouvelles maladies apparaissent au fur et à mesure qu'il invente des médicaments pour guérir les fléaux planétaires, on n'a plus de tuberculose, on a de moins en moins telle autre maladie, alors maintenant on n'est pas ni le sida, on va avoir d'autres maladies, alors l'humain se dit, qu'est-ce qui fout Dieu? Alors l'humain lentement s'en remet à sa science, finit par être un peu plus hésitant, prie moins, enfin dynamise moins, et les égrégores religieux meurent lentement. Lorsqu'une guerre arrive, l'humain se rend compte que sa science le tue. Alors l'humain se remet entre les mains de Dieu, parce que pendant les grosses crises, la ferveur augmente. Mais lorsque l'humain se remet entre les mains des dieux, pendant les grosses crises, on se rend compte aussi que tu as prié ton Dieu. Et lorsque tu reviens chez toi, ta famille est morte, ta maison est brûlée, tu as peut-être perdu un bras, tu n'as plus rien. Alors, entre la science et Dieu, tu te dis merde. Parce qu'en fin de compte, Dieu n'a pas l'air d'avoir le pouvoir d'obliger les humains à faire des choses ou d'empêcher des choses. Et la science n'a pas l'air non plus d'avoir la faculté de rendre l'homme sage. Alors l'humain va donc vivre un stress implacable qui va le lancer vers une nouvelle religion, une religion mentale, et cela fait aussi partie de l'expression de Fatima. Ça veut dire l'annonce d'une nouvelle, de la naissance d'une nouvelle religion? Ça veut dire l'apparition ectopique de la chrétienté, de l'islam, du bouddhisme, de l'URSS, de tout ce qui existe à l'échelle des religions au niveau de notre planète, donc à l'extérieur de Jéhovah, de Yahvé, de Dieu, d'Allah, de Manitou, de tout ce que tu voudras trouver, à l'extérieur de tout ça, il y aura des humains sur la planète entière qui, à un moment donné, feront une synthèse entre leur intellect et leur intuition, donc entre le phénomène cartésien et le phénomène théologique. Et lentement, on pourra engendrer le phénomène typique du Nazaréen, une religion mentale, une religion qui va permettre à l'individu qui en fait partie, un jour de se libérer. Religion veut dire relier. Mais merde, si tu passes ta vie à vouloir te relier, tu ne seras jamais relié. La journée que tu es relié, tu abandonnes la religion, tu n'as plus besoin. La religion étant un mécanisme, un outil. Sauf que toutes les religions, présentement, promettent à l'homme d'être relié et, évidemment, ne relient pas l'homme. Elle ne relie l'homme qu'à une hiérarchie humaine qui, apparemment, vers la fin de la hiérarchie, est reliée. Mais lorsque ces phénomènes divins veulent parler, ils ne passent pas par la tête, ils passent par d'autres. Alors, quand l'être humain est relié à l'homme, qui est relié à l'homme, qui est relié à l'homme hiérarchiquement, puis qu'à un moment donné, le message passe par un autre qui n'est pas relié ou à peu près pas, Ben, tu te demandes, c'est pas vers l'arrière, faudrait que tu ailles te relier plutôt que vers l'avant. Et effectivement, c'est ce qui se passe. L'être humain doit se relier à lui. Oh, c'est évident que si tu es pris dans la drogue, tu as de la difficulté, tu rencontres un prêtre, c'est génial. Tu penses à suicider, tu peux rentrer dans l'église. J'ai connu un prêtre à un moment donné, moi je lui disais, ton église, ça allait toujours déborder. Pourquoi? Un jour, tu vas te faire voler ou il y a un gars fou qui veut mettre le feu. Ben, il dit, Dieu la protège. J'ai rien contre. Les assurances aussi. Il dit, oui, c'est un prêtre correct. Assuré, all dress. Je dis, mais pourquoi tu laisses tes portes débarrées? Parce qu'il dit simplement que si un jour quelqu'un passe, veut commettre un meurtre, un vol ou veut suicider, puis qu'il voit l'église, puis tout d'un coup qu'il a juste l'idée de venir voir, il vient pour entrer, puis c'est barré. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Ou la fille? C'est ouvert, il va rentrer. Même s'il n'y a personne, il y a des chances que. Ah, ça a de l'allure en sacrableux. Un an après, on reconstruisait l'église. Elle a passé au feu, incendie criminel. Et puis, ça a été publié dans les journaux. L'une des rares églises qui, il y a 3-4 ans, passé au feu par incendie criminel. Depuis ce temps-là, l'église est barrée. Alors, je lui demande encore, Dieu te protège plus. Ou bien si les gars qui vont faire des suicides, des meurtres ou des vols doivent les faire. Tu ne dois pas ouvrir ton église pour les empêcher d'agir. Ben, le prêtre préfère ne pas penser à ça. Il a oublié simplement ceux qui passent la nuit et il continue à faire ce qu'il a à faire. L'être humain ne peut pas vivre de Dieu parce qu'il a peur d'une guerre. Donc, Fatima ne vient pas intelligemment ou esprétiquement parlant pour raviver la ferveur des âmes. La partie astrale vient dire « prie, prie, prie, prie » et l'autre partie vient dire « toi, tu devras révéler certaines choses à un moment donné ». Pourquoi la papauté n'a pas voulu le révéler? C'est qu'on parle contre l'Église. Et on annonce des choses. Parce que les papes peuvent dire « oui, mais c'est parce qu'on annonce la fin du monde, ça va créer une folie, ça va créer une panique ». Non, Fatima dit bien que si cela est fait, il y a des chances qu'on l'évite. Alors faites-les, bout de plug. Bon. Mais si tu le fais pas, il n'y a plus de chance. Ils le font pas. Donc, on condamne toute l'humanité. La chrétienté condamne toute l'humanité. Vois-tu, plus il y a de hiérarchie humaine, plus il y a de l'ego. Plus il y a de l'ego, plus il y a de phénomènes astraux. Ça crée des désastres. On pourrait dire théologiquement, plus il y a d'ego, plus il y a Satan. Dans la hiérarchie humaine, un jour, il y a un humain sur la planète. Enfin, il y en a deux. Mais dernièrement, il y a un homme sur la planète qui, un jour, s'est vu donner un pouvoir extraordinaire et qui l'a refusé. C'est un être unique. Il y en a eu un autre, il y a eu le Nazaréen, il y a eu Lazare, il y en a eu quelques autres, mais disons que là, ces derniers temps, il est mort dernièrement. Il est mort avec un sourire aux lèvres, ce qui a traumatisé tout le personnel d'hôpital. À un moment donné, il est venu au monde et en fin de compte, on a bâti pour lui une religion, on lui a donné près de 300-400 000 fidèles. Tout le monde l'adorait avant même qu'il commence à parler. Lorsqu'il a commencé à parler, il avait 14, 15, 16 ans et il avait des disciples partout sur la planète. Il ne les connaissait même pas. Et puis, à un moment donné, il a évolué. Et un jour, il a ramassé 100 000 disciples et devant eux, il leur a dit, « Bon, voilà, tout le cossin qu'on a, là, je dissous tout ça. Capote fini. Bye-bye. » Alors, évidemment, tout le monde s'est mis à crier. Il leur a dit, « Ben oui, c'est comme un chirurgien. Hein? Ça ouvre, ça opère, ça fait mal, mais c'est mieux. » Alors, la vérité, la réalité, plutôt, ne peut pas être contenue sous un toit ni dans un carcan, ce qui fait qu'on dissout tout. Ce bonhomme-là, ça a été Krishnamurti. C'est le seul à qui on a donné un poste au niveau astral qui ne s'est pas senti qu'il l'a abandonné carrément. Il n'y a pas un pape qui peut le faire. Pour la simple raison qu'à un moment donné, plus il y a de cette hiérarchie, plus il y a de l'ego. Les papes, donc, devaient faire certaines choses, placer les choses dans l'ordre où elles devaient être. Maintenant, c'était évident que ce ne serait pas fait et c'est pourquoi on a demandé à un pape de le faire. L'humain devait savoir ce que j'ai dit ce soir. Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, dépendant de vos questions, on pourra fouiller beaucoup plus loin. L'humain se doit de le savoir. Mais l'humain ne doit pas le savoir par une autorité. De quelle façon pouvons-nous être certains que l'humain ne le saura pas par une autorité? Donner le message à une autorité. Étant donné qu'elle est suffisamment orgueilleuse d'autorité, elle n'en parlera pas. Mais dans l'humanité, maintenant, le message est inscrit. Comment avez-vous trouvé le contact avec l'esprit? Si c'est parce que vous êtes une âme évoluée, on n'a donc rien à faire que d'en être une ou pas. Bon, ce n'est pas parce que je suis une âme évoluée. Parce que l'âme, ça n'évolue pas.